بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence le cours numéro 4 dans Riyad al-Salihin avec le charh de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin et on explique le hadith numéro 3. C'est un hadith selon Aïcha. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. Donc ce hadith qui est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari Muslim selon Aïcha رضي الله عنها qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y aura plus de hijra, d'émigration, de quitter de l'ordre d'émigrer, de quitter la Mecque jusqu'à Médine, après la conquête de la Mecque, mais il y aura toujours le djihad et l'intention. Et si on vous ordonne de partir au combat, alors mobilisez-vous, c'est-à-dire partez au combat. Et ça, c'est bien entendu lorsque le dirigeant appelle les croyants au combat. Le cheikh, il explique maintenant ce hadith-là. Et il explique, comme il le dit dans son charh ici, il dit « Fi hadha al-hadith, nafa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-hijrata ba'd al-fath, faqala la hijra. Wa hadha al-nafyu laysa ala umumihi ya'ni anna al-hijra » لم تبطل بالفتح فإنه لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المراد بالنفي هنا نفي الهجرة من مكة كما قال المؤلف رحمه الله لأن مكة بعد الفتح صارت بلاد إسلام ولن تعود بعد ذلك بلاد كفر ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هجرة بعد الفتح وكانت مكة تحت سيطرة المشركين وأخرجوا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاجر بإذن ربه إلى المدينة بعد 8 سنوات رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا ومظفرا ومنصورا صلوات الله وسلامه عليه فصارت البلد بلد كون بعد كون بدل كونها بلد كفر صارت بلد إيمان وبلد إسلام ولم يكن منها هجرة بعد ذلك. Donc ici le cheikh, on va traduire ça, le cheikh il explique que le hadith ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nie qu'il y ait une hijra qui soit obligatoire après la conquête de la Mecque. Et il dit donc il n'y a pas de hijra. Et la négation, ce n'est pas une négation générale, c'est-à-dire qu'il y aura toujours la hijra qui est obligatoire selon les situations, sauf qu'il n'y aura plus de hijra obligatoire à partir de la Mecque, puisque la Mecque est devenue une terre d'islam. Et la preuve qu'il y aura toujours le jugement de la hijra qui va rester jusqu'à la fin des temps, c'est le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Le cheikh il a cité ce hadith là qui est rapporté par Abu Daoud et Ahmad et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami'. C'est le hadith qui dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la hijra ne va cesser tant que la repentance ne va cesser. Il y aura toujours la hijra. La hijra ne va pas s'arrêter tant que la repentance est possible. Et il dit que la repentance ne va pas cesser d'être possible jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest, c'est-à-dire vers la fin des temps. Et ça, c'est la preuve que le verdict de la hijra, il reste valide jusqu'à la fin des temps. En ce qui concerne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nie la hijra, après la conquête, c'est après la conquête de la Mecque, parce que la Mecque est devenue une terre d'islam. Et une fois qu'elle est devenue une terre d'islam, eh bien, auparavant, c'était une terre de kufr. Donc, il fallait la quitter pour aller vers une terre d'islam. Maintenant qu'elle est devenue une terre d'islam, eh bien, c'est plus obligatoire maintenant de faire la hijra de cette terre, puisqu'elle a été conquise au nom de l'islam. Donc, Mecca, auparavant, c'était une ville qui était sous le contrôle des mouchriquins. Et ils ont chassé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait fait la hijra, hein, par la permission de son seigneur vers Médine. Et après 8 ans, il est revenu à Mecca victorieux. Hein, et yani, il a réussi donc à reprendre la Mecque et à établir l'islam dans cette ville. Donc c'est devenu une terre d'islam au lieu d'être une terre de mécréance et une terre de foi après que ça a été une terre de kufr. Et donc il n'y a plus besoin maintenant de faire la hijra de cette terre-là. Et le cheikh il dit « Wa fi hadha dalilun ala anna Makkah lan ta'ouda li takuna balada kufrin bal satabqa bilada islamin ila an taqum sa'a ou ila an yasha Allah » Donc il dit, il y a dans ce hadith-là la preuve que la terre de Mecca ne va plus jamais redevenir une terre de kufr et qu'elle va demeurer une terre d'islam jusqu'à ce que s'établisse l'heure du jugement dernier ou jusqu'à ce que Allah le veuille. Ensuite il dit, ثم قال ولكن جهاد ونية أي الأمر بعد هذا جهاد أي يخرج أهل مكة من مكة إلى الجهاد والنية يعني أي النية الصالحة للجهاد في سبيل الله وذلك بأن ينوي الإنسان بجهاده أن تكون كلمة الله هي العليا. Donc il dit le cheikh que ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit mais il y aura toujours un jihad et une intention. Un jihad, c'est le combat et une intention, et c'est-à-dire yani, l'intention de lutter dans le sentier d'Allah pour élever la parole d'Allah dans le jihad. Donc ça, c'est quelque chose qui va rester valide pour les habitants de la Mecque jusqu'à la fin des temps et pour les habitants du... c'est-à-dire pour les musulmans. Et le cheikh, il dit ensuite « ثم قال عليه الصلاة والسلام » وإذا استنفرتم فانفروا يعني إذا استنفركم ولي أمركم للجهاد في سبيل الله فانفروا وجوبا وحينئذ يكون فرض عين. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith par la suite que si on vous lance au combat, alors lancez-vous, c'est-à-dire que si le dirigeant vous a ordonné de partir au djihad, alors dans ce cas-là, ça devient une obligation maintenant pour chaque musulman de partir au djihad, c'est-à-dire chaque musulman qui est sous le serment d'allégeance de ce dirigeant-là. Donc il dit « فَلَا يَتَخَلَّفُ أَحَدٌ إِلَّا مِنْ عُذْرِهِ مَنْ عَذَّرَهُ اللَّهِ » لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا وهذا أحد المواضع التي يكون فيها الجهاد فرض عين. Donc ici, le cheikh, il explique par rapport au verset qu'on a cité, par rapport au point qu'on a mentionné dans le hadith, par rapport au dirigeant lorsqu'il ordonne aux musulmans de partir au combat, que c'est un des moments où le djihad devient une obligation pour chaque musulman, et que à ce moment-là, personne n'a le droit de rester derrière et de s'abstenir, excepté celui à qui Allah a donné une excuse, excepté celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une excuse. Donc, le cheikh, il explique, il dit, il a cité ce verset dans Surat At-Tawbah, le verset 38 et 39, et on va lire donc le verset. Il explique, et justement, par rapport à ce jugement-là, lorsque le dirigeant musulman dans un pays musulman ordonne à sa population de partir au combat, alors ça devient une obligation pour chacun qui est capable et qui n'a pas d'excuse de partir au combat. Et c'est les versets donc 38 et 39 dans Sourate At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ô vous qui croyez, qu'avez-vous lorsqu'on vous dit, c'est-à-dire lorsque le dirigeant vous dit, élancez-vous dans le sentier d'Allah, vous vous êtes appesanti sur la terre, la vie présente vous est-elle plus agréable que l'au-delà? Or, la jouissance de la vie présente ne serait que peu de choses comparée à l'au-delà. Et si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne lui nuirez en rien. Et Allah est omnipotent. Donc, ça c'est, le cheikh il dit, ça c'est un des moments ou une des situations dans lesquelles le djihad est une obligation pour chaque individu. Il dit والموضع الثاني إذا حضر بلد العدو إذا حضر بلدة العدو أي جاء العدو حتى وصل إلى البلد وحصر البلد صار الجهاد فرض عين ووجب على كل أحد أن يقاتل حتى على النساء والشيوخ القادرين في هذه الحال لأن هذا قتال دفاع وفرق بين قتال الدفاع وقتال الطلب فيجب في هذه الحال أن ينفر الناس كلهم للدفاع عن بلدهم. Donc le cheikh il dit le deuxième moment où le jihad devient une obligation pour chaque individu, c'est lorsque un ennemi a encerclé ou assiégé un pays musulman, ou lorsqu'il approche des frontières d'un pays musulman, à ce moment-là, ça devient un djihad défensif. Et ça devient donc une obligation, une fois que l'ennemi est arrivé devant la ville ou devant le pays, de repousser cet ennemi-là, et ça devient une obligation pour chacun qui a la capacité de combattre, même les femmes. Même les vieillards qui ont la capacité, ils doivent combattre parce que c'est un combat défensif. Et il y a une différence donc dans l'islam entre les deux types de combats, le combat pour la défense et le combat pour l'offensive. Et le cheikh explique que, il dit, dans ce cas-là, puisque c'est une situation de défense, eh bien tout le monde doit défendre leur pays. Tout le monde doit défendre leur ville. Et le cheikh il explique, il dit والحالة الثالثة إذا حضر الصف والتقى الصفان وصف الكفار وصف الكفار وصف المسلمين صار الجهاد حينئذ فرض عين ولا يجوز لأحد أن ينصرفه كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من السبع المبيقات. Donc ça c'est le troisième situation où le djihad devient une obligation pour chaque individu. C'est lorsque les musulmans et les kuffars se sont rencontrés face à face et que les deux armées sont l'une en face de l'autre. Eh bien à partir de ce moment-là, ça devient une obligation à chaque musulman qui est là de combattre et qu'on n'a pas le droit de s'enfuir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans les versets 15 et 16 dans Surat Al-Anfal, ô vous qui croyez, quand vous rencontrez l'armée des mécréants en marche, ne leur tournez point le dos. Et quiconque ce jour-là leur tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour se rallier à un autre groupe, celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc le cheikh il dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même mentionné parmi les sept grands péchés qui font périr, le fait de se retourner ou de tourner le dos plutôt lors du combat, lors de la rencontre de l'ennemi. Et il y a une quatrième situation aussi, dans laquelle c'est une obligation pour l'individu de participer au djihad, c'est le cheikh il dit al-mawdi' al-rabi' idha ihtija ila al-insan bi an yakuna al-silah la ya'rifuhu illa fard min al-afrad wa kana an-nas yahtajuna ila hadha ar-rajul li-isti'mal hadha al-silah al-jadid mathalan fa innahu yata'ayyanu 'alayhi an yujahid wa in lam yastanfirhu al-imam wa dhalika li'annahu muhtajun ilayhi fa fi hadhihi al-mawatin al-arba'a yakunu al-jihad fardu 'aynin wa ma siwa dhalika fa innahu yakunu fardu kifaya. Donc le cheikh il explique que la quatrième situation dans laquelle il est obligatoire pour l'individu en particulier de combattre, c'est lorsque c'est quelqu'un qui a la connaissance de l'utilisation d'une arme en particulier et qu'il n'y a personne excepté lui qui sait, par exemple, comment l'utiliser, hein? Alors, dans ce cas-là, les gens ont besoin de lui pour l'utilisation de cette arme, alors il devient une obligation pour lui, dans ce cas-là, de faire le djihad, même si l'imam ne lui a pas ordonné à lui en particulier de participer, mais les gens ont besoin de lui, donc il doit faire partie de ce djihad. Et le cheikh il dit فَفِي هَذِهِ الْمَوَاطِنَ الْأَرْبَعَ يَكُونُ الْجِهَادُ فَرْضُ عَيْنِ. Donc dans ces quatre situations-là, le djihad est une obligation pour l'individu. En d'autres cas, ça devient une obligation pour le nombre suffisant. C'est-à-dire فَرْضُ كِفَايَ, c'est-à-dire que si on a un nombre suffisant de combattants et que il y a un nombre suffisant de croyants qui participent au combat, alors ce n'est plus obligatoire pour le reste d'y participer, mais ça reste quand même une chose qui est recommandée pour ceux qui veulent y participer. Le cheikh il dit وقال أهل العلم يجب على المسلمين أن يكون منهم جهاد في العام مرة واحدة يجاهد أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا لا لأجل أن يدافعوا عن الوطن لأنه وطن لأن الدفاع عن الوطن من حيث هو وطن يكون من المؤمن والكافر حتى الكافر يدافع عن أوطانهم لكن المسلم يدافع عن دين الله فيدافع عن وطنه لا لأنه وطنه مثلا ولكن لأنه بلد إسلامي فيدافع عنه حماية للإسلام ولهذا يجب علينا في مثل هذه الظروف التي نعيشها اليوم يجب علينا أن نذكر جميع العامة بأن الدعوة إلى تحرير الوطن وما أشبه ذلك دعوة غير مناسبة وأنه يجب أن يعبى الناس تعبئة دينية ويقال إننا ندافع عن ديننا قبل كل شيء لأن بلدنا بلد دين وإسلام يحتاج إلى حماية ودفاع فلا بد أن ندافع عنه بهذه النية أما الدفاع بنية الوطنية أو بنية القومية فهذا يكون من المؤمن والكافر ولا ينفع صاحبه يوم القيامة وإذا قتل وهو يدافع بهذه النية فليس بشهيد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله انتبه إلى هذا القيد. Donc le cheikh il explique ici un point important. Il dit les hommes de science ont dit qu'il est obligatoire aux musulmans de faire le djihad une fois par année pour combattre et lutter contre les ennemis d'Allah, pour élever la parole d'Allah. Et ça, qu'est-ce que le cheikh explique ici maintenant? C'est bien entendu lorsque les musulmans ont la capacité. Mais actuellement, les musulmans ils n'ont pas la capacité. Hier, j'écoutais justement j'écoutais le sharh le tafsir de Surat Al-Imran du Cheikh Ibn Uthaymin. C'est pas le tafsir de Surat Al-Imran, c'est le tafsir de Surat Al-Ma'ida J'étais en train d'écouter le tafsir de Surat al-Ma'ida du Cheikh Mohammed ibn Uthaymin, et il expliquait lui-même dans ce tafsir que yani, les musulmans, justement, actuellement, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas la force. Il dit ils n'ont pas la capacité militaire et ils n'ont pas non plus la capacité même spirituelle pour être capable justement de combattre les ennemis. Et il expliquait aussi beaucoup d'autres points par rapport à ça. Donc, à la kulli hal, lorsque les musulmans ont la capacité, c'est une obligation pour eux dans ce cas-là de faire le djihad chaque année contre les ennemis d'Allah. Et il dit, et ce n'est pas dans le but de défendre la patrie ou la terre. Hein? Il dit, parce que défendre sa terre, défendre sa patrie, et ça c'est quelque chose que tout le monde fait. Même le kafir, il va défendre sa patrie, il va défendre sa terre. Hein? Même le kafir, il va défendre son pays, sa terre, son drapeau, des trucs comme ça. Il dit, tandis que le musulman, il défend la religion d'Allah. Hein? Il défend la religion d'Allah et il ne défend pas sa patrie ou sa terre parce que c'est sa terre. Hein? Mais il défend sa terre parce que c'est un pays musulman. Parce que c'est un pays dans lequel il y a les mosquées. Il y a la religion d'Allah. Et que s'il ne défend pas cette terre-là, hein, eh bien les koufars ils vont venir et ils vont détruire les mosquées. Détruire l'obéissance à Allah et la religion d'Allah et le tawhid. Et la parole d'Allah ne sera plus la plus haute. Alors, c'est pour cette raison qu'il doit vouloir défendre sa patrie, parce que c'est un pays musulman, et non pas le contraire. C'est pas parce que c'est sa terre qu'il veut la défendre seulement, mais plutôt parce que sa terre est une terre musulmane, est un pays musulman, et il veut protéger la religion d'Allah. Donc, c'est pour ça qu'il veut combattre. Et donc, il dit, c'est pour cette raison-là que, on doit combattre pour défendre l'islam. Et il dit, c'est obligatoire pour nous dans les situations dans lesquelles nous vivons actuellement, aujourd'hui. Il est obligatoire pour nous, maintenant, de rappeler à tous les musulmans en général que la da'wa, lorsque les gens invitent à libérer une terre, ou une patrie, ou un territoire, que ça, c'est une fausse appel, que c'est une fausse invitation. Et que ce n'est pas correct, hein? C'est pas quelque chose qui est acceptable. C'est pas quelque chose qui est convenable. Parce que au lieu de ça, il faudrait plutôt faire comprendre aux gens que c'est la religion qu'ils doivent défendre et qu'ils doivent défendre leur religion et leur foi et leur croyance et leur aqida avant toute chose. Hein? Nous devons défendre notre religion avant tout autre pays, toute autre patrie, toute autre chose. Hein? Donc, parce que notre pays est un pays musulman, parce que c'est un pays de l'islam, et qu'il faut le défendre, et c'est pour cette raison-là qu'il faut combattre, et c'est pour cette intention-là qu'il faut combattre. Parce qu'il dit, la personne qui se combat pour sa nation, ou pour son pays, hein, et qui combat pour le nationalisme, ou pour la patrie, il dit, même le kafir, il fait ça. Et ça ne va pas lui profiter au jour de la résurrection s'il a combattu juste pour défendre sa patrie ou sa nation, hein, ou son pays. Et s'il meurt parce qu'il s'est battu juste pour défendre sa terre, il dit, il ne va pas être shahid s'il meurt comme ça. Il ne va pas être martyr. Parce que le martyr, c'est seulement celui qui a combattu pour protéger la religion d'Allah et pour élever la religion d'Allah. Et comme on a demandé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à propos de l'homme qui combat par fierté ou par courage, pour montrer son courage, ou pour montrer sa force, est-ce que ça c'est dans le sentier d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il a dit, celui qui a combattu pour que la parole d'Allah soit la plus haute, c'est lui qui est dans le sentier d'Allah. Donc, fais attention à cette condition là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Et il dit ensuite le cheikh, وَإِذَا كُنْتَ تُقَاتِلُ لِوَطَنِكَ فَأَنْتَ وَالْكَافِرُ سَوَاءٌ وَلَكِنْ قَاتِلْ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا مُمَثِّلَةً فِي بَلَدِكَ لِأَنَّ بَلَدَكَ بَلَدَ إِسْلَامٍ ففي هذه الحال ربما يكون القتال قتالا في سبيل الله. Donc le cheikh il dit, donc si toi tu combats pour ta terre, il dit dans ce cas-là, il n'y a pas de différence entre toi et le kafir. Parce que le kafir il combat pour sa terre lui aussi. Hein? Mais il dit, mais tu combats, plus, tu devrais plutôt combattre pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Et pour mettre en pratique hein, la religion dans ton pays. Alors, pour que ton pays reste un pays d'islam, un pays musulman. Alors, dans ce cas-là, c'est peut-être que ton combat sera un combat qui est dans le sentier d'Allah. Et le cheikh, il dit ensuite, وَثَبَتَ عَنْهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ أَيْ يُجْرَحُ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ فَانْظُرْ كَيْفَ اشْتَرَطَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم للشهادة أن يكون الإنسان يقاتل في سبيل الله فيجب على طلبة العلم أن يبين هذا والله هو الموفق والله الموفق الموفق. Donc le cheikh il explique ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas une personne qui est blessée dans le sentier d'Allah et Allah sait mieux celui qui est blessé dans son sentier excepté qu'au jour de la résurrection sa blessure va laisser couler du sang. La couleur sera la même couleur que le sang, mais l'odeur sera l'odeur du musc. Et le cheikh, il dit, regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi comme condition pour que la personne soit un martyr, que son combat soit un combat dans le sentier d'Allah. Hein? Et pour qu'il soit dans le sentier d'Allah, il faut que ce soit pour élever la parole d'Allah. Donc il dit le cheikh que c'est une obligation pour les étudiants en sciences de clarifier ce verdict-là aux gens hein, et de leur faire connaître la réalité par rapport à ce point-là. Parce qu'à notre époque, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont mal compris cet aspect-là. Et tu vois surtout par exemple les égarés parmi les gens de la secte des Ikhwan hein, qui justement ont fait du combat pour la terre quelque chose de plus important que de combattre pour la religion. Et beaucoup d'entre eux ils disent, nous on n'a rien, hein, comme Qardaoui qui disait dans un de ses discours, on n'a rien contre les juifs. On combat pas les juifs par rapport à la religion, on combat juste par rapport à la terre. En voulant dire que s'ils nous donnent la terre, on n'a plus de problème avec eux. Hein. Même s'ils sont des koufars, c'est pas grave. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a pas combattus à son époque, il n'a pas combattu les juifs pour une terre. Hein? Il les a combattus parce que yani, ils ont trahi leur entente. Et il les a combattus parce que c'est des koufars. Hein? Donc c'est ça qui est important à comprendre. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont changé de discours parce que ils veulent essayer d'être en accord avec les principes que les koufars ont installés dans le monde. Alors que notre référence à nous, c'est pas ça. Notre référence à nous, c'est le Coran et la Sunna. Et c'est ça la priorité pour nous. C'est ça la base. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On expliquera les hadiths suivants la semaine prochaine, bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.